Page 50. Activité 2. Piste 39. Enregistrement 1. On a tout ici. Des livres. Des BD. Des jouets. J'aime la bibliothèque. Enregistrement 2. Bonjour madame. Bonjour les enfants. Asseyez-vous.